Chapitre 14e. La veuve s'installe à l'abbaye. Après cette soirée de Noël, Madame Harding s'établit tout à fait dans l'intérieur de l'abbaye de Scarsdale. Peut-être s'apercevait-elle du peu de goût que Marcy avait pour sa société. Mais si c'était ainsi, elle supportait l'injustice de la jeune personne sans se plaindre. Elle savait qu'elle plaisait à Sir Gaspard, et que le baronnet était souverain seigneur chez lui, et gouvernait tout dans la maison, sans se laisser influencer le moins du monde par une fille pour laquelle il n'avait que très peu d'affection. La veuve savait cela, et elle jouait ses cartes en conséquence. Elle prit soin de s'introduire aussi peu que possible dans la société de Marcia, et excepté pour une promenade à cheval de temps à autre, les deux femmes se rencontraient rarement entre le déjeuner et le dîner. Marcia avait ses occupations particulières, sa favorite Dorothée et les pauvres de Scarsdale. Elle peignait, elle composait de la musique, lisait ses livres bien-aimés dans son appartement, et très souvent montait à cheval ou se promenait, seule à pied, dans le parc et les bois. Tandis que Blanche Harding paraissait dans le fauteuil le plus bas et le plus moelleux, près du feu de sa spacieuse chambre à coucher, lisant un roman ou reposant ses beaux yeux par une sieste prolongée. Le travail intellectuel le plus grand auquel elle se livrait était la composition de deux ou trois épîtres un peu longues, écrites avec de l'encre violette sur du papier vert tendre, qui était extrêmement parfumé avec du patchouli ou de l'essence de rose. La veuve s'arrangea pour disposer de 2 ou 3 heures chaque jour pour s'occuper des détails d'une toilette recherchée. Elle exhiba les objets contenus dans sa grande caisse et les trésors de sa boîte à bijoux avec autant de persistance que si l'abbaye eût été remplie de nombreux visiteurs, et chaque soir, elle présentait quelque nouvel agrément personnel pour l'édification de Sir Gaspard. Avait-elle quelque projet profondément mûri à mener à bien pour rester dans cette ennuyeuse maison de campagne? Avait-elle quelque motif plus important que l'envie de passer 2 ou 3 mois d'hiver dans une maison somptueuse? Elle paraissait riche, et il n'était pas probable qu'elle voulût jouer le rôle d'un pique-assiette qui suppléait un revenu limité par un long séjour dans les maisons de campagne de ses amis. Sir Gaspard s'imagina qu'il pouvait deviner facilement les tactiques de la charmante veuve et qu'elle avait beaucoup d'ingénuité. Madame Harding, avec ses antécédents probablement très douteux, est moins que rien, pensait le baronnet, car c'est une personne que tout le monde peut soupçonner. Mais Lady Denison aurait une toute autre importance, avec un théâtre pour exhiber ses belles toilettes, et les meilleures tables du comté lui seraient ouvertes, pour lui faire admirer ses émeraudes cabochons et ses vieilles dentelles. Mais s'imaginer un moment que je sois assez faible pour cela, une veuve mondaine, pour la vie. Comme visiteuse, elle est charmante, elle jouera les cartes avec moi, et chantera ses vifs petits boléros espagnols, et cette triste romance d'amour allemande aussi longtemps que cela lui plaira. Mais si jamais elle veut me tendre un piège, en me faisant dire quelque chose, devant témoin, me faire écrire quelque chose que les plus grands imbéciles d'un jury anglais puissent interpréter comme une promesse de mariage, je paierai forfait. Cela vaudra mieux que les dommages et intérêts qu'il plairait à 12 jurés stupides de fixer. Non, non, ma chère madame Harding, je jouerai aux cartes avec vous. Je vous admirerai. Je passerai mes soirées dans votre adorable société. J'accepterai les gentilles flatteries qu'adroitement vous m'adresserez. Je vous donnerai le plus bel appartement de ma maison et les meilleurs vins de ma cave. Sans parler du marasquin de choix, pour lequel vous avez tant de prédilection. Mais je ne vous épouserai pas. Parmi les lettres que le piéton de Sir Gaspard apporta à Madame Harding, il y en avait une qui évidemment lui donna quelque ennui. C'était une longue lettre écrite d'une main masculine superbe et cachetée avec une énorme côte d'armes supportée fièrement par des dragons rampants et surmontée par 2 simies avec cette devise belliqueuse « Je frappe juste ». Quelqu'un habitué à lire de la nature humaine aurait pris une très mauvaise idée de cette missive distinguée, car la veuve l'a mis à l'âne dans sa poche après avoir jeté les yeux sur les premières lignes comme si c'était une lettre qu'elle ne pouvait se décider à lire en public. Après avoir fait cela, ce fut avec beaucoup de peine qu'elle redevint la femme légère, spontanée et toute d'effusion qu'elle avait l'habitude d'être dans la société de Sir Gaspard. 1 heure après le déjeuner, elle était assise seule dans sa chambre et lisait cette malencontreuse lettre, en réfléchissant à son contenu avec un front très soucieux. Half Moon Street, jeudi. Ma chère Aspasie, Dalila, belle colore. De quel nom? Parmi tous les noms par lesquels les dangereuses beautés ont été connues des hommes et des poètes depuis le commencement du monde, dois-je vous appeler? Depuis que vous ne voulez plus qu'on vous donne le nom que vous avez reçu sur les fonds de baptême, Seras Aspasie. Vous êtes belle et sage, et un moderne Socrate peut apprendre une nouvelle sagesse de vos lèvres roses. Va donc pour Aspasie. J'ai déjeuné avec plusieurs jeunes diplomates de Saint James, et je suis d'une humeur expansive. Une humeur dans laquelle je suis disposé à la monter envers tout le monde, et je regrette, en pleurer, que chacun ne puisse pas avoir 30 000 livres sterling de rente, à commencer par moi-même. Et maintenant, ma chère Aspasie, soyons sérieux. Pourquoi avez-vous quitté Hombourg sans m'en prévenir, sans me mettre au courant de vos projets? Vous n'avez pu vous imaginer qu'il pouvait y avoir un seul coin de la terre civilisée où vous pourriez échapper au subtil instinct que j'ai de votre présence, qui est une des nombreuses preuves du sincère attachement fraternel que je vous porte. Mon Aspasie, la démarche était puérile, pour ne pas dire sotte. Lorsque j'étais vous demander à votre hôtel et que j'ai appris que vous étiez parti, je n'ai pas été indigné. J'ai seulement été contrarié de découvrir qu'une femme que je considérais comme infiniment supérieure au reste de son sexe était tombée dans cette affaire, dans l'imprévoyance féminine la plus grande. Votre brusque départ était peu généreux. Je passe sur cela, mais il était absurde. Et selon le mot du prince de la police secrète, c'était plus qu'un crime, c'était une faute. Il est inutile de vous dire que je vous ai suivi facilement jusqu'à Paris. Il est inutile de vous dire qu'une fois arrivé, je savais où vous trouver. Malheureusement, je ne m'en suis inquiété qu'un jour ou deux trop tard. Vous l'aviez quitté pour revenir en Angleterre. Là, j'ai fait une maladresse. Je ne m'étais pas imaginé que, probablement, vous traverseriez le détroit, et une fois que vous l'avez eu traversé, j'ai tout à fait perdu votre trace et je n'ai pu deviner où vous aviez fixé votre demeure. Quelle merveilleuse institution qu'un journal de province! Attendant mon avoué hier, dans une étude encombrée, je pris un journal dans un tas de journaux plein de poussière sur la table poudreuse, et je lus une demi-douzaine de paragraphes insipides dans lesquels des fragments surannés de la presse de Londres se trouvaient au milieu des batteries locales de femmes et le prix des betteraves arrangées en agréable mosaïque. Nul autre qu'un homme attendant son homme d'affaires dans le fond d'une étude de Lincoln's Inn, dans le but de trouver de l'argent sur une garantie peu sûre, ne pouvait lire un journal tel que celui-là. Mais vos Latudes ou vos Robinson Selkirk, non, Crusoe, vivent bien avec les rats et les nègres quand le cas l'exige. Pour le moment, j'étais Robinson, quel que soit le nom, et le journal était mon vendredi. Le journal en question était le Conservateur de Roxborough et la Chronique de Castleford, et le paragraphe qui me tira de ma somnolence contenait ce qui suit, je copie mot pour mot, article que j'ai coupé dans le journal. Les fêtes de Noël seront très calmes à la veille de Scarsdale, car l'affliction de famille qui a jeté tant de tristesse sur le voisinage depuis plusieurs années et qui a causé la longue absence du baronnet et de sa fille du comté tient toujours Sir Gaspard Denison éloigné de la société qu'il est si bien fait pour orner. Bœuf, charbon de terre et flanelle ont été et continueront à être libéralement distribués aux pauvres de Scarsdale et des environs sous les auspices de Mademoiselle Denison. Madame Harding est arrivée à l'abbaye jeudi soir, venant du continent, etc., etc. Ainsi, vous voyez, ma chère Aspasie, comment le captage ordinaire d'un journal de province m'a servi d'information sur le lieu de votre résidence, et je saisis l'occasion de faire appel à votre générosité pour me tirer d'un dilemme très désagréable. Puis, suivait une de ces demandes d'argent qui sont toujours si pénibles dans leurs détails sordides, une de ces demandes qui sont particulièrement horribles quand elles viennent d'un homme à une femme. Il y avait quelque chose de mystérieux dans le ton de l'homme qui écrivait à Blanche Harding, et ce quelque chose indiquait une influence cachée plus puissante sur cette femme que la tendresse et la générosité. Il écrivait très poliment, mais il écrivait comme quelqu'un qui fait une demande qu'on ne peut lui refuser, et la figure de Madame Harding devenait de plus en plus sombre à mesure qu'elle lisait. Lorsqu'elle eut fini la lettre, elle s'assit longtemps tenant sa tête dans sa main et en réfléchissant profondément. « Si je pouvais seulement me soustraire à tout cela, si je pouvais m'échapper, murmura-t-elle, mais me trouver sans le sou, non, je puis tout supporter, excepté cela. » Sir Gaspard avait eu soin de laisser ignorer complètement à sa fille la lettre de Brandsford et la communication de Madame Harding. Dans le premier cas, s'il lui montrait cette lettre à Marcia, l'explication qui s'en serait suivie lui aurait occasionné quelques ennuis, et plus que toute chose, le baronnet détestait l'ennui. Dans le second, Sir Gaspard sentait que ni le locataire de l'ermitage, ni l'audacieuse veuve n'étaient tout à fait l'espèce de personne qu'il aurait dû admettre sous son toit, et qu'on pouvait le blâmer d'avoir choisi ses connaissances en dehors de toutes les lois sociales qui exigent qu'un homme connaisse ceux qu'il admet dans l'intimité de sa fille. Dans ces circonstances, le baronnet se décida à rester tranquille et à laisser les choses suivre leur cours naturel. Si les idées de la veuve sur sa visite d'amitié sont déraisonnables, pensa-t-il, il ne me reste plus qu'à devenir capricieux et à être pris tout à coup du désir de passer les mains froides du printemps sur les bords de la Méditerranée et de la quitter sans esclandre. Ah, quel bonheur d'éviter cela! Mademoiselle Denison reprit le paisible cours de sa vie, dérangée seulement de temps à autre pour le plaisir de sa visiteuse par une longue promenade à cheval ou par une flânerie dans les magasins de Roxborough ou de Castleford. Elle avait beaucoup d'occupations, beaucoup de petits soins, beaucoup de devoirs, qui, peu importants en eux-mêmes, s'accomplissaient aussi tranquillement que les mouvements de quelques délicates pièces d'horlogerie, mais qui, réunies, formaient une somme considérable de choses utiles. Marcia passait une partie de son temps au milieu des pauvres de Scarsdale, et comme Scarsdale était un petit village sur la lisière la plus éloignée du bois, dans lequel l'habitation de Pondsford était enterrée, aussi cachée et aussi solitaire que le gîte d'un cerf, son devoir l'obligeait souvent de prendre un sentier sinueux qui traversait le bois. Dans la plupart de ces occasions, Dorothée accompagnait sa maîtresse, portant un panier, silencieuse quand sa maîtresse était silencieuse, écoutant respectueusement si Marcia parlait, babillant gaiement lorsqu'il plaisait à Marcia d'encourager son babillage, et se conduisant toujours envers elle comme une petite fille que la plus grande indulgence ne pouvait gâter. Quelquefois, mais très rarement, Marcia faisait ses charitables courses seule, et il arrivait très souvent que par ce temps froid de janvier, le locataire de l'ermitage errait dans le même sentier, suivi par un chien métis qu'il avait dernièrement adopté comme compagnon, aussi indifférent au vent qui hurlait parmi les arbres dépouillés et les fougères flétries et clairsemées, que s'il eût été quelque homme du Nord habitué à passer les mois d'hiver dans des régions où le soleil ne se voit jamais. En se rencontrant ainsi, le locataire de Sir Gaspard et la fille de Sir Gaspard avaient l'habitude de se promener côte à côte dans les froides après-midi éclairées par le soleil, parlant de presque toutes choses, du ciel et de la terre au grand étonnement de Dorothée qui suivait, tandis que le chien trottait doucement derrière les talons de son maître. Que de choses peuvent se dire de personnes instruites qui ont mené une très tranquille existence et ont vaincu principalement avec les livres qu'elles aimaient, lorsqu'elles sont assez familières ensemble pour parler sans contrainte et ne sont pas gênées par la présence d'autres personnes. Combien de mondes différents ouverts devant eux. Quelle grande étendue de régions mystiques au-delà de la terre tentaient leurs pieds explorateurs. Marcia se plaisait dans ses promenades de l'après-midi avec le grave voyageur qui était assez âgé pour être son père, et en sa présence, son esprit et son âme s'épanouissaient comme si véritablement elle eût été sa fille. Quelquefois, Pondsford accompagnait la jeune et belle châtelaine dans ses charitables excursions, et Marcia s'apercevait, avec surprise, que le voyageur africain, ce reclus barbu, était presque aussi bien reçu qu'elle dans les chaumières des laboureurs et près du lit des enfants malades, quoique, comme le répétait très souvent Dorothée, il ne donna jamais rien. « Et cependant il paraît si bon, n'est-ce pas, mademoiselle Marcia? Et je suis sûr que s'il était riche, il serait généreux, et s'il ne l'est pas, c'est parce qu'il est pauvre. Ah, mademoiselle Marcia, il faut être affreusement pauvre pour porter un habit râpé, s'écria la petite femme de chambre, qui pensait que les produits des vers à soie et les plumes d'autruche étaient les plus nobles objets qu'eussent jamais été créés par une puissance bienfaisante. Pendant janvier et février, Madame Harding resta à l'abbaye. Elle réussit si bien à amuser Sir Gaspard que toutes les fois qu'elle fit allusion à la longueur de son séjour et menaça d'un départ prochain, le baronnet l'invita à rester, en prenant toujours soin que ses invitations, quoique cordiales, puissent défier la race des plus subtiles buzz-fuzz, de les changer en les interprétant en promesses de mariage. « Je connais mon Pickwick, » pensait Sir Gaspard, « et je connais aussi les Caribdes et les Scyllas entre lesquels je dois diriger ma fragile barque. Mon Caribde est un témoin, mon Scylla est une plume, de l'encre et du papier. Ce fut Winkle qui amena la ruine de son excellent ami. Ce fou de Winkle, ou ce fou de poulet sur les côtelettes et la sauce tomate. » Marcy avait dit à son père les vagues insinuations de Madame Harding attaquant la réputation de Pontsfort, et le baronnet les avait laissées tomber, heureux d'échapper à un sujet qui ne pouvait que lui amener du désagrément. La vérité ressemble toujours plus ou moins à elle-même, lors même que le mensonge est parvenu à prendre la meilleure position et à placer la pauvre vérité à son désavantage, et Sir Gaspard, en dépit de la langue dorée de la veuve, était presque disposé à donner quelque crédit à la sérieuse lettre de son locataire. Il avait répondu à cette lettre à sa manière, car il était trop bien élevé pour la laisser sans réponse, en esquivant toute réplique déterminée et en évitant le sujet en se contentant de faire des lamentations polies sur le départ précipité de Pontsfort. Et Marcia croyait-elle les insinuations de Madame Harding contre l'homme qu'elle rencontrait si souvent et dont la société lui était si agréable? Non. La nature humaine est ainsi faite qu'elle ne donne pas sa confiance à une personne qu'elle n'aime pas, quand surtout elle calomnie quelqu'un qu'elle aime. Marcia avait très peu de foi dans la véracité de la veuve. Elle avait une confiance instinctive dans l'homme que la veuve diffamait. Chaque fois qu'elle le rencontrait, chaque fois qu'elle entendait sa voix ou regardait sa figure, ou le voyait assis au milieu de la malpropreté sordide et chaumière des paysans, écoutant gravement une femme faire le récit de ses malheurs et de ses besoins, chaque fois qu'elle voyait ses yeux noirs s'adoucir en regardant quelque enfant du village, sa confiance en la sincérité et en l'honnêteté de George devenait plus forte. Elle racontait quelquefois son père, ses rencontres accidentelles avec son locataire, et le baronnet ne dit pas une parole d'objection contre la continuation de l'intimité qui avait commencé durant la visite d'automne que Pontsfort avait faite à l'abbaye. « J'aurai une explication avec Pontsfort aussitôt que je serai parvenu à me débarrasser de la veuve, » pensait-il. « Je m'assurerai qu'il s'est omis ce qu'il a fait. Dans tous les cas, c'est un gentleman, et s'il en était besoin, je pourrais compter sur le bon sens de Marcia pour la défendre contre une légion de voyageurs barbus. Si cet homme n'est pas ce qu'il doit être, elle sera la première à le reconnaître, car son instinct est aussi pénétrant que le mien, et elle n'a pas ma paresse habituelle pour la neutraliser. » Avec cet aimable sophisme, Sir Gaspard Denison laissa sa fille le soin de se garder elle-même pendant qu'il passait paresseusement ses journées dans la retraite de sa bibliothèque et ses soirées à être charmé par les fascinations de la veuve. Pour la pauvre Marcia, ses soirées étaient très longues et très ennuyeuses. Il était enchanté quand l'écarté favori de son père lui permettait de s'absorber dans un livre. Peu à peu, le plus beau temps de sa vie devint les heures pendant lesquelles elle se promenait dans les bois de Scarsdale avec Pontsfort. Et lorsqu'elle trouvait la maison plus triste, son existence plus stérile, elle soupirait après une nouvelle rencontre accidentelle avec le locataire de son père et le regardait comme une brillante oasis dont la pensée seule rendait le désert qui l'environnait supportable. Un jour, assise devant la glace dans son cabinet de toilette, avec la gentille Dorothée qui brossait avec empressement les cheveux noirs de sa maîtresse, les pensées de Marcia s'égarèrent, comme elles étaient très disposées à le faire dans le vide et la tristesse de sa vie, sur ce sympathique compagnon qu'elle avait appris à apprécier. « Si j'avais seulement eu un tel homme pour père, » pensait-elle, « comme j'aurais été heureuse. » Et tout à coup une vive rougeur monta à la figure pâle de Marcia, tandis qu'elle songeait qu'il avait une autre relation plus chère et plus étroite même que celle qui lie un père à l'enfant qu'il aime, qui pouvait la réunir à George Pontsfort. « Et je suis riche, » pensait-elle, « serait-ce donc bien extraordinaire si cela venait à arriver ?» Mais après une pause, elle se dit avec regret, « Ah, pourquoi ne se confie-t-il pas à moi? Pourquoi ne me raconte-t-il pas l'histoire de sa vie passée? Son secret, s'il y a un secret.